Leçon 5. Activité 2 et 3, page 22. Piste 15. Vous allez à la semaine du goût? Ça commence mercredi prochain à la cantine. Bien sûr, je participe à l'atelier de cuisine. Moi aussi, j'aime faire des plats et goûter à toutes les saveurs. Comme vous, je participe à l'atelier de cuisine. Alors, rendez-vous à la cantine mercredi à midi, ça va? Oui, ça va. C'est parfait.